Il est intériorisé par l'invisible. Il risque de se faire manipuler fortement par l'astral. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, moi, je donne des séminaires. Puis, souvent, je vais dire à ma secrétaire, quand des gens viennent à mes séminaires, essaye de voir si ce sont des gens normaux, du monde normal. Ce sont des gens qui ont eu des passés psychiatriques, des gens qui ont eu des défaillances, des grosses dépressions. Faites bien attention parce que ces gens-là vont venir à mes séminaires, puis ils peuvent vivre un backlash. Parce qu'automatiquement, en venant dans mes séminaires, les entités se rebellent. Fait qu'automatiquement, les entités, en se rebellant, peuvent leur rendre la vie plus difficile. Puis il va falloir les récupérer, ces gens-là, plus tard. Fait que c'est pas un avantage. Puis c'est une drôle de situation parce que ce sont ces gens-là qui ont le plus de besoin de venir dans mes séminaires. Puis d'un autre côté, ce sont ces gens-là qui peuvent le plus souffrir de venir dans mes séminaires. Parce que quand les gens viennent dans mes séminaires, je renverse la table sur eux autres. Je renverse la table. Fait qu'automatiquement, si l'individu est normal, puis il n'est pas trop... Si il sort de mon séminaire puis il n'est pas trop bousculé, je préfère ça que s'il vient dans un séminaire puis il est trop bousculé, parce qu'après ça, il y a tout un travail qui se fait. Puis, tu ne peux pas refuser une notion qui est réelle. Tu peux refuser un concept, tu peux refuser une idée qui est psychologique ou philosophique ou spirituelle, mais tu ne peux pas refuser psychiquement une notion qui est réelle, parce que ta réalité va l'amener, cette notion-là, éventuellement en surface. Donc, éventuellement, l'individu il est obligé de délier avec le phénomène foncier de sa réalité universelle par rapport au plan astral ou par rapport au plan mental, dépendant où il se situe évolutivement. Il y a des individus qui vont venir en communication avec leur source. Il y a des individus qui vont venir en communication avec des plans astraux de haute vibration. Puis il y a des individus qui peuvent venir en communication avec des plans vibratoires astraux de basse vibration. Puis ces individus-là peuvent vivre des retournements très difficiles. Ça peut même les amener à avoir besoin de traitement psychiatrique. Puis ça, c'est difficile pour ma personne, puis c'est difficile pour les autres. Donc, c'est très important, puis je le dis en passant, si jamais des gens viennent à mes séminaires, puis qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben tu devrais aller au séminaire de Bernard, venez pas à mes séminaires tant que vous n'êtes pas prête par vous-même, quand vous voulez vous-même venir à mes séminaires. » Comment ça prendrait 10 ans? Si vous vous laissez pousser à venir à mes séminaires, si vous venez à mes séminaires parce qu'il y a quelqu'un qui vous influence, c'est pas bon. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'étais pas prête à venir dans tes séminaires il y a 4 ans. Je suis venu 4 ans après. Là, je suis prêt. » Vous pouvez vous rendez pas de service à des gens en disant « Ben, faut que tu y ailles à ces séminaires-là. Là. » Les gens ont leur temps. Il y a des gens qui ne devraient même pas venir à mes séminaires. Il y a des gens qui ne viendront jamais à mes séminaires. C'est fait que... Il y a d'autres voies, il y a d'autres façons pour l'homme d'évoluer. Mes séminaires, d'ailleurs, les séminaires, c'est bien plus pour moi que pour vous autres. Mes séminaires, ça me permet de descendre cette information-là sur le plan matériel, de créer une mémoire. Naturellement, il y a des gens qui peuvent en bénéficier dans le processus. Mais le point que je veux faire, c'est que les gens qui viennent à mes séminaires, puis qui ont bien aimé ça, ainsi de suite, souvent, ils ont tendance à vouloir que des proches ou des amis viennent. Laissez-vous pas influencer. Par des amis ou par des gens proches, viendrez à mes séminaires quand ça sera le temps. Il n'y a pas de presse. Vous avez dit tout à l'heure, c'est l'invisible qui nous choisit. L'astral semble nous avoir choisi en premier. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'en tout cas, le jeu des entités, les influences astrales, on les ait très jeunes, ou du moins, en tout cas, en partant avec une programmation. Est-ce que l'esprit se manifeste à l'individu selon un statut d'évolution ou est-ce qu'il est présent toute notre vie? C'est-à-dire notre double, là. Est-ce qu'il est là, présent? Il est toujours là. Seulement, le double, le rôle du double dans l'évolution cosmique, incarnationnelle, cyclique de l'homme, c'est éventuellement de ramener l'homme à sa source. L'homme, faut qu'il retourne à la source. L'homme est descendu dans la matière, ce que j'appelle l'évolution. L'homme doit retourner à sa source, ce que j'appelle l'évolution. Okay. Mais pour que le double connecte avec l'ego à travers le plan mental, il faut que l'homme soit suffisamment évolué. Donc, la job, si tu veux, du double pendant des milliers d'années d'évolution, c'est de préparer l'âme à travers son évolution à se développer pour qu'éventuellement son contenu, autrement dit sa mémoire, soit suffisamment perfectionné pour que le double soit capable de communiquer avec, connecter, fusionner avec, et pour que cette mémoire, à ce moment-là, rendue très développée, autrement dit, quand l'âme est suffisamment évoluée, l'ego, lui, qui reçoit le choc de tout ça, soit capable de prendre le choc sans perdre ses esprits. Donc, le double n'est pas pressé à la fusion. Ça peut se faire dans 2000 ans, 4000 ans, 10000 ans, 15000 ans. Il travaille toujours avec l'âme. L'âme a toujours le même double. Quand on parle de l'homme, on parle simplement de l'enveloppe matérielle. Quand on parle de l'être, on parle de l'âme, essentiellement. Mais l'âme n'existe pas par elle-même dans la matière en évolution. L'âme existe par elle-même en astral. Dans l'astral, dans son enveloppe astrale, l'âme existe par elle-même et elle évolue par elle-même. Mais quand l'âme est dans la matière, elle n'évolue pas et n'existe pas par elle-même parce qu'elle a besoin du support mental, du double, autrement dit, de la connexion des circuits universels à travers l'illusion systémique de la pensée humaine pour convertir son énergie astrale en énergie matérielle qu'on appelle, nous autres, les émotions et la pensée ici sur la Terre, en énergie d'expérience. Donc, une fois que cette énergie-là est mise en mouvement par l'expérience, l'âme collecte ça. Elle collecte tout ça. Donc, l'âme, c'est une immense mémoire. Mais cette mémoire-là, pour qu'elle devienne utile à l'ego, il faut que le processus inverse soit fait. Il faut que la lumière prenne charge de l'âme à travers l'ego, au lieu que l'âme prenne charge de l'ego sans lumière. Donc, ce que j'appelle l'involution, c'est quand l'âme prend charge de l'ego sans la lumière. Donc, ça, c'est le processus d'involution adamique. Et l'évolution, c'est le temps où le double, la source, le principe cosmique prend charge de l'âme, fusionne avec l'âme, pour que, finalement, l'ego puisse prendre charge de lui-même sur le plan matériel, c'est-à-dire être conscient de sa destinée. Et un jour, quand le temps vient où l'âme se retire du corps matériel, l'âme, autrement dit, l'être, l'âme ne retourne pas au monde de la mort et l'âme est transmutée dans ses principes en une conscience morontielle qu'on appelle l'actualisation princière du principe mental dans le corps éthérique pour donner à ce qu'on appelle l'homme égoïfié consciemment le statut d'immortel. Pour que ça se fasse, il faut que l'âme soit transmutée, c'est-à-dire qu'elle perde sur la conscience égoïque humaine, à travers les émotions et la pensée, son pouvoir d'astralité, qui est maintenu par le fait que l'âme, elle a des chums dans l'astral. Quand l'âme s'incarne dans la matière, elle a toujours un chum de l'autre bord. Quand tu viens au monde, là, des petits gars qui viennent au monde, là, qui grandissent 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils disent à leur mère, « Ah, j'ai mon petit chum, je parle avec mon petit chum, ils ont tous des petits chums. » Bon, mais ça, c'est des entités dans l'astral qui communiquent avec l'âme qui est dans la matière. Il y a un lien, là. Fait que quand tu viens au monde, t'as toujours un parrain quand tu viens au monde. T'es pas tout seul quand tu viens au monde. Rendu à 7 ans, le parrainage casse. Sans ça, on serait des idiots nés. Rendu à 7 ans, le parrainage casse, puis le double entre en jeu. Donc, quand tu développes un ego à 7 ans, c'est le double qui devient, qui se manifeste plus fortement, mais toujours à travers le corps astral, toujours à travers l'âme. Fait qu'à ce moment-là, si tu as un homme qui est très évolué, puis que la lumière passe à travers cet âme-là, tu vas devenir un être sur la terre qui va faire des grandes choses, un grand médecin, un grand constructeur, un grand architecte, un grand whatever. Si tu as une âme de basse vibration, le double n'est pas capable de passer sa lumière. Il y a de la difficulté parce que c'est un âme qui est jeune. Plus l'âme est vieille, ça veut dire que plus ton double a travaillé avec, il l'a travaillé, fait que l'âme est rendue très évoluée. C'est le double qui fait évoluer l'âme parce que c'est le double qui a la responsabilité de créer, quand tu t'incarnes, les composantes psychiques de ton corps mental et de ton corps émotionnel. C'est le double qui s'occupe de la composition, qui travaille avec de la lumière pour que toi, quand tu viens au monde, tu as un corps mental qui a un certain taux vibratoire, tu as un corps émotionnel qui a un certain taux vibratoire, qui est capable de recevoir toute la matière ou la mémoire de l'âme dans cette vie-ci, pour qu'avec cette mémoire-là, tu puisses mentalement, émotivement, vivre une expérience quelconque. Fait que c'est le double qui est en arrière, dont tu es inconscient, qui aide ton âme à évoluer et qui aussi, à cause du pouvoir de l'âme sur ton émotion puis sur ton mental, te fait vivre de l'expérience. Mais un jour, l'homme est tanné de vivre l'expérience. L'homme, un jour, va en avoir ras-le-bol de vivre l'expérience. L'homme va vouloir, un jour, être un être simplement créatif. Quand tu es un être créatif, c'est parce que la connexion entre ta source, le double, et l'âme, la fusion, est tellement avancée que l'ego, lui, ne vit plus son émotivité et sa mentalité par rapport à la mémoire de l'âme. Il vit sa mentalité et son émotivité par rapport au rayon du lumière qui part du double à travers une pensée créative et qui fixe l'âme dans les chakras de l'âme d'une façon tellement perfectionnée que l'être, finalement, il vit une grande paix. Il comprend la vie, il comprend la religion, il comprend la politique, il comprend le travail, il comprend les autres, whatever. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme de l'évolution future. Mais pour ça, ça demande une transmutation du corps mental et du corps émotionnel. Ça demande une transmutation profonde aussi des valeurs qu'on a mises sur la vie. Donc, les valeurs des différentes idéologies matérielles, les valeurs des principes ou des concepts religieux qu'on a. Ça, quand c'est transmuté, ça crée un choc à l'âme. Ça crée un choc à l'ego. Puis, si l'ego est pas suffisamment solide au niveau mental et émotionnel, autrement dit, si l'âme est pas suffisamment harmonisée dans la matière, l'homme vient un down. Si l'âme est suffisamment évoluée, puis l'ego est suffisamment solide psychiquement, psychologiquement, à ce moment-là, ben l'homme passe de la personnalité à la personne. Il développe des centres de gravité. Il devient un être identique à lui-même. Et à ce moment-là, ben la relation entre la source, l'âme, et l'ego, ça forme un axe de vie. Mm-hmm. Puis là, évidemment, ça continue, puis ça continue. Moi, j'ai pas fini mon évolution, ça continue l'évolution. Puis un jour, quand le temps vient où l'homme doit se départir de son corps matériel, à ce moment-là, c'est au niveau de son corps moronciel qui sort de la matière. C'est plus au niveau de son corps astral. Donc à ce moment-là, il s'en va sur le plan intellect, et là, il travaille au niveau d'une nouvelle conscience. Il travaille au niveau de l'immortalité de sa conscience. L'homme ne retourne pas au monde de la mort. Il ne revient plus cycliquement dans la matière. Il a fini, il ne reviendra plus jamais dans la matière. Il va travailler sur d'autres plans avec des êtres qui sont dans ce même champ d'évolution-là. Et naturellement, il va donner à l'humanité, à cause de cette coexistence-là avec la matière qui est très proche, une science, une civilisation qui est neuve. Fait que c'est tout ça le processus qui se passe. Mais dans le monde de la mort, les entités dans le monde de la mort réagissent à la conscience de l'homme un peu de la même façon que nous autres ici, on réagit quand on perd le pouvoir. Quand on perd le pouvoir, quand un président de compagnie perd le pouvoir, ou quand un chef de pays perd le pouvoir, il veut lutter pour le maintenir, son pouvoir. Mm-hmm. Les âmes dans le monde astral qui ont un lien karmique avec l'homme, qui sont régies par des lois draconiennes, veulent pas perdre le pouvoir sur l'homme qu'ils ont eu depuis des milliers d'années, qui ont cultivé à travers les religions, qui ont cultivé à travers le mysticisme, qui ont cultivé à travers toutes les notions psychologiques qu'on a sur la Terre, qui sont finalement les fondations mêmes de l'inconscience psychologique de l'ego. Donc, le pouvoir, ils veulent, puis ils vont le garder le plus longtemps possible, seulement qu'ils savent que maintenant, sur la Terre, il y a une percée qui vient du plan mental directement avec l'homme dans la fusion. La fusion est établie sur la Terre depuis 69. Donc, l'homme maintenant a accès à des notions systémiques qui pulvérise le pouvoir de l'astral sur l'âme. Donc, l'astral n'aime pas ça. Donc, sur le bas astral, il y a des réactions très fortes. Dans le haut astral, ils sont contents parce que finalement, ils savent qu'il y a une porte de sortie à leur éternelle solitude. Donc, c'est un petit peu ça là qui se passe. Bon, là, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. L'astral, comment qu'elle peut se revenger de l'individu qui se conscientise. Dans le sens que si elle veut pas perdre le pouvoir, faut qu'elle établisse une revanche sur l'individu qui se conscientise. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? L'astral va toujours utiliser les points faibles de les individus. Quand je parle de points faibles, ça peut être pour nous autres ce qu'on considère des points forts. Par exemple, l'astral, si un individu est très spirituel, tu prends un individu qui va à messe à tous les dimanches, un bon catholique, puis qui commence à se conscientiser, les valeurs, les bonnes valeurs nécessaires de son évolution vont être testées par l'astral. Il va vivre le doute. Il va vivre toutes sortes de choses. À ce moment-là, l'astral va se servir de ses notions spirituelles pour créer en lui un grand trouble dans son esprit. Un type, par exemple, qui est, à cause de sa culture, de la façon dont il a été élevé dans sa famille, qui a tendance à sentir de la culpabilité, l'astral va commencer à le rendre coupable. Parce que là, il commence, l'astral perd du pouvoir. Donc, l'astral va tout faire pour qu'il se rende coupable, pour arrêter son évolution. Si le type est orgueilleux, si le type est jaloux, tout ce qui est faiblesse dans l'homme, l'astral va l'utiliser pour essayer de récupérer l'être, le garder sous son emprise. Puis éventuellement, mais l'astral ne pourra plus, fait que finalement, ces entités-là changent de plan. Puis l'individu, lui, sur la Terre, change de conscience. Fait que c'est une lutte. La transmutation de l'homme, le passage de l'involution à l'évolution, ce n'est pas du gravy, là, puis une sinécure spirituelle, puis un trip spirituel que les jeunes ont connu dans les années 60, là, à se mettre du pout puis aller aux Indes pour rencontrer la gang de moineaux là-bas, là. Autrement dit, la transmutation de l'homme, c'est totalement interne à lui-même. C'est une lutte interne entre lui-même, sa source, puis les inconvénients d'un contact plus ou moins évolué de l'astral, qui va reconnaître à travers la manipulation psychologique de son moi dans des pensées un petit peu frileuses. Bon, j'ai un à côté dans ma question. Est-ce qu'une personne qui est assez consciente, qui peut pas être manipulée par l'astral, est-ce que l'astral peut vouloir manipuler ses proches? En ce sens que la personne, elle, en tant qu'individu, elle est protégée, mais elle va s'attaquer à sa famille, ses amis ou son enfant. Ça n'a pas d'importance. Ouais, mais... OK, laisse-moi finir. Si une personne qui est consciente, qui est consciente, qui est plus manipulée par l'astral, quand même que l'astral se jetterait sur d'autres entités autour, déjà, cette personne-là serait plus affectée. Autrement dit, une personne consciente, elle ne sera même plus affectée par ce qui se passe autour dans son milieu. Parce que ce qui se passe autour dans son milieu, ça fait aussi partie de leur faille. Autrement dit, si la personne, elle se conscientise et avoue à travers le jeu, cette personne-là va se libérer de l'astral. Si l'astral va à d'autres niveaux autour, dans son environnement, parce que l'astral peut toujours aller plus bas, puis plus bas, puis plus bas, puis plus bas, puis plus bas. L'eau, elle descend toujours au niveau de la mer. Tu veux dire? Ouais. Fait que l'astral, elle va toujours essayer, d'une façon ou d'une autre, de reprendre la revanche, mais toujours par rapport à celui qui a une haute vibration. Si lui est plus affecté, ça s'arrête là, le problème de l'astral, en ce qui le concerne, lui. Si ça se perpétue dans son environnement, c'était déjà là en potentiel. Ah, okay. C'est pas la personne consciente qui est responsable du fait que non. L'individu... Sont... Non. C'est juste accéléré parce que les personnes... C'est accéléré parce que lui se retirait du pouvoir manipulateur de l'astral. Il va avoir des réactions autour. Ça, c'est normal. Mais éventuellement, il ne sera plus affecté par ça, là. Parce que l'homme conscient, éventuellement, n'est plus affecté par ce qui se passe émotivement dans son environnement, dans la mesure où lui n'est pas responsable de ça. Okay. Comprends-tu? Sinon, il n'y aura aucune façon pour un être de se conscientiser. Parce que un être qui se conscientise automatiquement atteint un taux vibratoire, autrement dit, un niveau de lucidité qui le sépare de la masse. Donc, s'il se sépare de la masse, la masse va toujours essayer de le garder, parce que la masse, c'est astral. Donc, un être conscient est obligé de se séparer de la masse, puis pas seulement symboliquement en fonction de ses pensées ou de ce qui se passe dans son mental ou de ses rêves, mais en fonction de ce que la masse aussi peut vivre par rapport à lui. Naturellement, parce qu'il est conscient, il va vivre sa séparation avec la masse d'une façon consciente, intelligente, parce qu'il va toujours respecter le niveau de la masse. Tu respectes le niveau de la masse autour de ta personne, mais tu ne demeures pas indéfiniment prisonnier de la masse. Un jour, faut que la masse n'ait plus de pouvoir sur ton comportement humain. Fait que si l'astral utilise la masse pour empêcher l'individu d'évoluer, c'est parce que déjà, il est impuissant contre l'astral. Bon, l'autre question, c'est que vous avez dit, dans le processus involutif, les entités ont beaucoup d'influence. Dans le processus évolutif, le double prend en charge l'individu. Quel est le signe qui fait qu'on peut reconnaître que le double a pris en charge? C'est inutile pour nous autres d'essayer de savoir si c'est astral ou si c'est le double. C'est une perte d'énergie, ça. Parce que de la pensée, c'est pas matériel. C'est trop subtil. Mm-hmm. Alors, ce que je réponds à cette question-là, c'est ceci. Quand tu es intelligent, t'es intelligent, puis quand t'es stupide, t'es stupide. Okay. C'est clair et net. Autrement dit, si tu veux t'acheter une maison, puis l'astral où tu reçois des pensées qui disent ouais, tu devrais l'acheter la maison, tu devrais pas l'acheter la maison. Parce que ça te dit d'acheter la maison. Par contre, si tu as de l'argent en banque, si tu travailles, si tu as des bonnes cartes de crédit, si tu as une bonne job, puis si tu réalises que c'est intelligent de t'acheter ta maison au lieu de payer le loyer à quelqu'un d'autre, whatever, si tu as besoin de la PAC, enfin, whatever. Si ça vient de toi, puis c'est intelligent, parce que c'est intelligent, ça ne se discute pas. Tu n'as pas besoin de contact avec ton double pour savoir si c'est intelligent. Autrement dit, avant d'être conscient, on a vécu, on a commis des actes intelligents. Mm-hmm. Quand on se conscientise, on en commettra d'autres actes intelligents. Fait qu'intelligent avant ou intelligent après, c'est intelligent anyway. Là, si tu commences à te demander, mais c'est-tu mon double qui me parle, mais c'est-tu mon last ride qui me parle, là, tu vas commencer à vouloir des free games, tu vas vouloir croire, puis si c'est ton double, il va s'organiser pour que tu apprennes à pas croire. Fait qu'il va te dire, achète-la à la maison, puis tu vas t'apercevoir un jour qu'il y a une fondation qui est pétée dedans, puis il va te dire, ben, t'es en train de pas croire. Fait qu'un jour, anyway, tu vas l'apprendre à pas croire. Fait qu'un jour, tu vas prendre tes décisions à partir d'ici. Tu vas en parler avec ta femme, tu vas en parler avec ton gérant de banque. Fait qu'autrement dit, quand t'es intelligent, dans ta tête, psychiquement, c'est plein, t'es intelligent ici. Si t'es pas intelligent dans ta tête, c'est plein, t'es pas intelligent ici. Fait que c'est inutile pour nous autres de dire, mais c'est-tu l'astral qui me parle, ça vient-tu du double? Ce qui est en haut, en bas. Fait que si t'es capable, en bas, de renier tes affaires, puis aller voir le gérant de banque, puis que le Christ a de l'argent à la fin du mois, puis t'as une bonne job, à ce moment-là, ta décision intelligente, c'est être intelligente des plans, là. Fait que l'affaire de la vibration. C'est bien important, ça. Oui, question oui. Est très importante, parce que je sais qu'il y a bien des gens qui font du channeling, qui font de la télépathie, qui communiquent, puis ils savent pas à qui communique. Là, ça, le gars, il se fait dire, c'est comme il y en a un à Montréal, là, qui se fait dire, achète-toi, vends ta maison, là, achète-toi un trailer, puis va-t'en à Saint-Jobite, parce que les ovnis vont descendre. Fait que le gars, beau niaiseux, là, il vend sa maison, il s'achète un trailer, pas sa femme, avec sa famille, s'en va à Saint-Jobite, puis attend la voix qu'ils ovnis descendent. Il a attendu longtemps, il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, il a perdu son trailer, là, il est sur le cul. Fait que là, c'est même ça marche. Fait que là, on vit dans un temps où la fabulation est à son maximum, puis demain, elle va être encore plus à son maximum, puis après-demain, elle va être encore plus à son maximum. Fait que si vous êtes intelligent dans la vie, vous le savez, si vous n'avez pas, vous avez un gros problème. Ça voudrait dire qu'une personne qui vit selon les évidences de ce qui orbite autour de lui ou d'elle est constamment protégée. Une personne qui se protège dans la vie. Ouais. Une personne qui se protège dans la vie, c'est une personne intelligente. Tu veux me demander qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est le rôle de l'homme sur la Terre? Je vais te donner une réponse qui est bien simple. Tu n'as pas besoin d'aller à l'Université de Montréal. La seule fonction, le seul rôle intelligent que l'homme a sur la Terre, c'est de se protéger contre la vie. Tu te protèges contre la vie, t'es intelligent. T'as pas besoin d'avoir un psychologue, t'as pas besoin d'avoir un bonhomme à Montréal, t'as pas besoin d'avoir ton dos, t'es correct. T'as pas de problème. Mais c'est du stock, ça protège. Puis les gens qui sont en affaires, qui se projettent dans un avenir quelconque en essayant de construire un immeuble ou en essayant de construire quoi que ce soit, ces gens-là sont obligés de faire confiance à une sorte de... Ils vont prendre des risques intelligents. Un bonhomme d'affaires, il va prendre des risques intelligents. Bon, c'est quoi un risque intelligent? Un risque intelligent, c'est un risque qui te permet de pouvoir prendre ta perte si tu apprends. Donc, il faut déjà calculer sa perte avant de commencer. Ben, il faut que tu sois intelligent. Tu es bonne affaire. Tu rouves un restaurant. Ben, tu calcules s'il y a du monde qui passe. S'il n'y a personne qui passe, la chance que ça marche, c'est pas bon, tu sais. Fait que, faut que tu calcules les intérêts. Faut que tu calcules si le restaurant est support, il y a du soleil qui rentre, tu veux faire une petite terrasse, tu sais. Fait qu'un risque intelligent, autrement dit, un risque intelligent, c'est une mesure intelligente du potentiel que tu as par rapport à une adaptation que tu veux faire de ton idée. C'est ça, un risque intelligent. Mais prendre un risque intelligent dans quelque chose qui n'a jamais existé. Prendre un risque intelligent dans quelque chose qui n'a jamais existé, c'est encore un risque intelligent dans ce sens que intuitivement, tu vas pouvoir sentir la possibilité. Tu as toujours de l'information qui rentre dans ton cerveau. Tu as toujours de la mesure, tu as toujours... Tu parles avec ton confrère, tu parles avec tes chums, il y a quelque chose qui se passe, il y a une sensibilité. Il y a des hommes qui ont pris des risques, il y a des hommes qui ont fait des choses qui n'ont jamais existé, mais ils sentaient en eux-mêmes que c'était la... It was the right thing to do, puis ils l'ont fait. C'était pas smart. Ça fait partie de leur expérience sur la Terre. Ils ont eu probablement des informations qui venaient de l'astral. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ils ont enrichi la civilisation. Mais vous parlez tout à l'heure qu'être intelligent, c'est travailler avec certaines évidences. On est... Être intelligent, c'est pas se faire chier. Ça, c'est être intelligent. Okay. Quand tu t'as pas chié dans la vie, t'es intelligent. Quand tu t'as chié, t'es pas intelligent. Donc, prendre un risque... Excusez le vocabulaire, là, il est approprié à soir parce qu'il pleut. Dans la vie, quand tu te protèges... Je parle pas là, d'être parano, là. Non, non. Dans la vie, tu te protèges, tu calcules tes affaires, tu te limites pas, tu donnes de l'expansion, mais tu te protèges. On dirait que le monde ne comprend pas ça, se protéger. Tu te protèges. Autrement dit, il faut que tu saches que la vie, c'est une game. Il faut que tu saches que la vie, c'est de manipulation. Fait que quand, c'est comme les décisions. Quand tu as des décisions à prendre, tu t'assitues, t'en parles. Le gars dit, je m'en vais en business. Mm-hmm. Aller en business, c'est pas un qu'aller en business. Ah, tu as de l'argent, là, tu peux aller en business. Ton chum dit, ah, j'ai une bonne affaire pour toi. Mais après ça, es-tu capable de soutenir le business, ton restaurant? Tu calcules-tu les heures qu'il faut que tu travailles dans le restaurant? T'es-tu prêt à mettre 20 heures dans le restaurant? T'es-tu prêt? Puis si t'es pas prêt, t'es-tu prêt à déléguer à quelqu'un qui va le faire la 20 heures? Tu connais-tu quelqu'un? Mm-hmm. Autrement dit, il faut que tu parles. Le problème avec les gens, puis la raison pour laquelle les gens se protègent pas dans la vie, c'est parce que l'homme a pas appris à parler avec d'autres individus. Puis je vous dis aujourd'hui, puis sachez-le une fois pour toutes, que c'est impossible d'être intelligent tout seul. Tu ne peux pas être intelligent tout seul. Tu peux pas être intelligent seul. À deux, oui. À trois, oui. Seul, c'est impossible. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vas avoir une partie du puzzle qui va être à la mesure de tes préférences, de ta personnalité. Tandis que si t'as un autre partner avec toi, il y a une autre personnalité, la vibration, elle va se casser, elle va passer par son cerveau, par le tien. Si t'es trois, c'est la même affaire. Tu ne peux pas être intelligent seul. Tu fasses un think tank à deux. Minimum. Un gouvernement, un chef de gouvernement, il prend pas des décisions tout seul. Il y a que les dictateurs qui prennent des décisions tout seul. Puis qu'est-ce qui arrive avec Saddam Hussein? S'il avait été intelligent, Saddam Hussein, il n'aurait pas attaqué Kuwait, il aurait attaqué Israël. C'est évident. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.